Son du français. Son voyelle. I lit. Et né. Est père. A sac. A âne. O beau. Ou tout. A bonne. E je. U lu. E bleu. A peur. Un fin. Un parfum. En dent. On bon. Y yu. B huit. W oui.